Moi, je t'entends bien, moi, il n'y a pas de souci. Non, non, ça va. Enfin, là, pour le moment, si tu plaques des accords, ça va être trop fort. Thank you. Thank you.

No.